Dis donc, il est giron, ton petit sommelier. Le bon cru, ouais. Et bonsoir à tous, bienvenue dans Les Bons Crus. Bonsoir. Vous êtes avec Julien et Jérôme et deux invités. On a avec nous Keba. Comment ça va Keba? En pleine forme. De retour dans l'émission. Ça fait après plaisir. L'interview il y a plus d'un an maintenant. Presque un an, ouais, effectivement, ouais. Et on a Yann Solo. Exactement, bonsoir. Tu nous entends? Ouais, on t'entend de notre côté. Ouais. Bonsoir, bah bienvenue, hein. C'est une première. Merci. Et je vous ai invité avec Julien ce soir pour la bière du mois, l'accord bière et rap. C'est bon ça. Et les dilemmes rap bien sûr, avec les débats. Donc je rappelle, on fait une dégustation et j'ai proposé, puisque c'est à nouveau à mon tour, une Brooklyn, donc la brasserie de Brooklyn. Et c'est la Bel Air Sour. Donc je voulais prendre, en fait, ce soir j'ai fait différemment. D'habitude on choisit une bière et après on choisit un morceau pour l'accorder à la bière. Là, en fait, j'avais envie de rendre hommage à Pop Smoke. Et il est originaire de Brooklyn. Et oui. R.E.P. Pop Smoke. Donc, Pop Smoke qui est décédé malheureusement dans sa villa, assassiné lors d'un cambriolage hier. Voilà. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. Ouais, c'est complètement fou, franchement. Ouais. Enfin, je veux dire, après l'ascension. Après, je pense que tu vois, en trop dévoiler des trucs sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément des fois très très bon. Ça lui a joué des tours et tout, mais c'est quand même dingue. Bah, la jalousie qu'il peut y avoir. Ah oui, mais ça lui a joué quand même un sacré tour au final, puisqu'il est mort. Donc. Non, mais c'est clair. Mais c'est ouais, clair. Des fois, je pense que quand t'es une star, vaut mieux. C'est une star. Si, c'est une star. Mais vaut mieux des fois être un peu private, tu vois. Discret, c'est vrai que c'est assez triste, hein, surtout début de carrière. Comme ça, c'est assez expéditif, donc c'est assez redondant, je trouve, avec les jeunes, la génération de maintenant. Ce XXXTentacion, par exemple, ouais, pareil, il s'est fait cambrioler, il s'est fait braquer, il est mort comme ça. Ouais. XXXTentacion, quand même, moi je trouve que Pop Smoke était très bon en début de carrière, mais XXXTentacion, moi j'ai vu l'impact parce que j'ai un gamin de 16 ans. Sincèrement, il y a des gens plus âgés qui vont dire que faut pas dire ça, mais c'était le Tupac de la génération maintenant. Tupac, et il avait un vrai truc, il avait un truc extraordinaire. Il y en a plein comme ça, mais bon. Ouais, ben ouais, mais c'est hyper triste. Lil Peep, récemment. Exactement. Mais il y en a plein. Après d'autres, c'est la drogue. Il y a Mac Miller. Exactement. Des mecs. Et Nipsey, on en parlait encore. Il y a deux émissions. Enfin voilà. Donc ceux qui nous suivent savent que j'appréciais particulièrement Pop Smoke, je l'avais mis dans mon top 2019. Ouais. Et voilà, donc je voulais passer un petit morceau. Et du coup, en fait, j'ai choisi la bière en fonction de Pop Smoke. Je me suis dit Brooklyn. Et voilà, tout le monde connaît un peu la Brooklyn Lager, qui est la Bel Air Sour, j'avais jamais goûté. Mais voilà, je vous propose de trinquer à. Ne versez pas de gouttes sur le sol en son honneur. Voilà. Donc normalement, elle doit être un peu amère et un peu acide. Un petit peu. Et pour quelle raison elle est comme ça? Attends, je goûte. Hein. Non, mais les sours, en fait, c'est des bières qui ont souvent des goûts un peu d'agrumes. C'est pour ça qu'un whisky sour, c'est un whisky avec des agrumes, en fait. Voilà, exactement. Il y a un côté agrume, moi, je trouve, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on sent, un petit pamplemousse ou un peu un truc comme ça, quoi. Un petit peu acide. Écoute, acide. Typiquement, pour moi, qui ne suis pas forcément 100% bière, ça passe nickel. Toi, ça passe nickel? Ça me fait plaisir. Moi, je suis un peu bière de fille, si tu veux. J'ai bière avec le petit du sucre citronné, voilà, le petit fruit rouge, tu vois. Petite cric. Ouais, les bières américaines, c'est souvent des bières, tu vois, là. La Bud, c'est quand même une bière hyper légère. Ouais. Voilà, qui est la bière de base américaine. Et en général, les bières américaines, c'est. Et à côté de ça, ils ont quand même les IPA, qui sont hyper amères et là, plein de caractère. Mais là, on est quand même dans un truc plus agréable. Grave. Ça se boit. Bon, moi, je la connaissais pas. Je voulais faire dans l'originalité. Délicieuse. Mais écoute, le choix est excellent. Je survalide. Pop Smoke aurait validé, je pense. Peut-être je sais pas. Il devait plus boire du champagne et je pense. C'est ça. Que récemment, que il buvait du Moët. Mais franchement. Du coup, on envoie un petit morceau. Alors, c'est issu de Meet the Woo volume 2. Son dernier, là. Ouais, qui est sorti il y a très peu. Donc, copier-coller du premier, hein, dans le même style, vraiment. Bah, exactement. Ouais. Mais. Le morceau, c'est Christopher Walken, que j'ai trouvé très très bon. Voilà. On se passe le morceau et puis on revient après. Allez, rest in peace. Niggas saying they outside. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Air it out when we arrive. Popping that shit, but they done with the smoke. She like it rough when we fuck, so I'm grabbing that bitch by the throat. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Heard he was talking, but he never jumped out the stool. Think that it's sweet till I pull up and pop out his shoe. And they say I got the juice. I bought the Dior, now that's all I rock for the shoes. Hey, Porsche niggas, hot boy. You ain't in the field, you a top boy. We gon' tie that boy up like a cowboy. I'm the one that they envy like cowboy. Broke bitches ain't allowed. She wanna fuck with a real one. Real niggas back in style. I ain't no window shopper. Your man out here window shopping. I be in all the stores, and no, we ain't window shopping. Woo. She throw it back cause I'm popping. I'm making plays with her. We run it back like an option. Woo. Niggas saying they outside. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Air it out when we arrive. Popping that shit, but they done with the smoke. She like it rough when we fuck, so I'm grabbing that bitch by the throat. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Just cause I dance, don't think I'm pussy, don't make me pull up with the stick. Stick. I got a Louis V bag to match with the fit. VVS ones on my wrist. All this water on me, I got water for me and my bitch. Me and my bitch, drowning, flooded. They told me the price, I said fuck it. I spent it all with no budget. If it ain't 100, I ain't budging. Are you dumb? I made like 200 in London. Bow. You out here guessing these bitches, you pumping shit up like you butter. If I see a op, I'ma throw out the car. I'm at the crib with your bitch, she came with a dress, she left with no drawers. She love how I talk. She know that poppy outside, she know I'm the king of New York. Niggas saying they outside. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Air it out when we arrive. Popping that shit, but they done with the smoke. She like it rough when we fuck, so I'm grabbing that bitch by the throat. Niggas saying they outside. Send the addy, we gon' slide. Et vous êtes toujours dans les bons crus, toujours avec Julien, Keba et Yann. Solo. Yes. Alors, c'est la tradition, on fait une dégustation de bière et après, on se met des petits dilemmes de rap, des petites questions qui font débat. Exact. Et tu sais que d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc, il faudra vraiment faire un débat sur la malédiction du rap bordelais. Là, il y a un gros débat à faire. Ah ouais, là, du rap provincial. Ouais, il y a un gros débat à faire, je pense. Franchement, pas que provincial, parce que tu vois, il y a des mecs qui ont quand même réussi. Orelsan, c'est un mec de province, et il a bien réussi, tu vois. Il y a Gradur aussi, effectivement. Il y a Joke. Ouais, mais il y en a plein. Il y a tous les mecs de Marseille. Ouais. C'est pas faux. Non, mais les mecs du 667, hein. Ça taquine. Ouais, c'est clair. Les mecs du 667, c'est pas. Ah ouais, tout Lyon, enfin, les mecs de Lyon, là. Mais Lyon, ça a jamais marché. C'est un truc de malade aussi, ça. Ouais. Lyon, quel MC de Lyon tu... Ah bah maintenant, Freeze Corleone. Freeze Corleone, oui, ouais, mais il est plus vraiment à Lyon. Et ouais. Puis, bon. Voilà. Donc, le petit dilemme que je vous ai posé, vu que c'était mon tour, c'est: vous êtes plutôt rappeur moyen sur une instru excellente ou rappeur excellent sur une instru moyenne? Donc en gros, qu'est-ce que vous préférez, quoi? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Plutôt l'instru ou le rappeur? pour faire un bon morceau. Si vous pouvez pas avoir les deux, bien sûr, moi j'aime les morceaux où les deux sont excellents, mais bon, parfois on peut apprécier aussi des bons rappeurs sur des morceaux moyens, ou inversement. Donc je propose à Yann d'ouvrir le bal. Ouais. Tu nous as sélectionné un morceau. Alors j'ai sélectionné donc Stay Fly de 36 Mafia avec 8Ball NMJG et Young Buck, je crois. En fait, la question était assez compliquée pour moi parce que quand j'ai entendu un rappeur moyen sur un instru qui tue ou un très bon rappeur sur un mauvais instru, déjà un très bon rappeur sur un mauvais instru, j'écouterai pas, ça c'est sûr. Un rappeur moyen sur un très bon instru, faut que, en fait, s'il est moyen, faut que dans ça il ait quand même du talent et qu'il ait quelque chose. Qu'il ait autre chose que voilà. Des qualités intrinsèques du rappeur. Parce que moi j'écouterai ni l'un ni l'autre en fait. Ouais. Mais le plus important restant le son, parce que si le son est vraiment surpuissant, qu'il y a un truc hyper original, que ça t'emporte. Donc pour toi, un rappeur excellent peut pas rattraper une instru mauvaise. À long terme, non. C'est-à-dire que tu vas l'écouter deux fois. Ouais. Plus tu vas l'écouter, en fait... Plus tu vas te lasser. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu mon histoire d'écoute de rap. Le rap français, j'ai eu plein de trucs comme ça où j'étais super fan pendant deux semaines. C'est-à-dire que les albums, je les torchais, puis au bout d'un moment, je les écoutais et je les trouvais plus si bien, en fait. Et souvent, c'était ça. Bah, c'est un peu... Parce que quand je réécoutais du rap américain et tout, bon, même si maintenant... Tu voyais la différence de niveau. Il y avait un truc qui n'était pas pareil, tu vois. Mais si on repense au rap des années 2000, ouais. Qui ont un peu souffert en termes de qualité de production, C'est vrai qu'ils étaient toujours en retard et c'est toujours le truc qui manquait. Mais c'est vrai que depuis ces dernières années, il y a quand même eu un gros rattrapage côté production ouais. En France. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros rattrapage. Mais bon, ça n'empêche que justement, maintenant, c'est parce que s'il y a un gros rattrapage, c'est parce que les gars, ils vont dans des vrais studios, ils ont des vrais instrus. Et c'est ça aussi. Ouais. Et pour toi, donc, Stay Fly, c'est quoi c'est, Alors, pour moi, Stay Fly, c'est... en fait, j'ai choisi parce que je suis fan de tout ce qui est... comment dire, le Dirty South, on appelait ça à l'époque. Maintenant, ça a eu plein d'autres noms, mais tout le rap du Sud, qui est quand même un rap de cramé et de mecs, souvent, qui savaient pas vraiment bien parler, quoi. Et pour moi, 36 Mafia, c'en est l'exemple. C'est des mecs de Memphis... quand ils sont arrivés, surtout en France, les gens ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et moi, j'ai été très rapidement intrigué. Et en fait, les musiques, je kiffais parce que c'est vraiment le son du Sud pur et dur, quoi. Et donc voilà. Et par contre, Juicy J, souvent, on s'amusait à dire que c'était le meilleur mauvais rappeur. C'est un truc qu'on disait souvent entre potes. Moi, franchement, je suis pas du tout d'accord. Je le trouve vraiment incroyable. Hein. Ouais, mais vraiment, j'ai dit meilleur mauvais rappeur. Je trouve vraiment qu'il est vraiment fort. Hein. Vraiment. Mais c'est un de mes rappeurs préférés. Ouais. Hein. Il a le même flow depuis 20 ans. Et du coup, il est un peu fort quand même. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais je suis super fan en par plus. Par contre, je trouve que DJ Paul est moins bon rappeur que Juicy J. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ouais, et Project Pat, on n'en parlera pas. Parce ouais, ça, c'est très bon rappeur, Project Pat. Mais en Shop and Screw, par contre, tous ces artistes sont très très bons. Oui, ils sont tous même très Lil bons. White. Oui, c'est vrai. Mais on en discutait en off tout à l'heure. Effectivement, Juicy J, ce que je trouve, c'est que son style a quand même évolué. Oui. Je le trouve encore mieux qu'avant. Et on se posait la question si c'était pas le fait d'avoir fait un petit stage chez Taylor Gang avec Wiz Khalifa et tout ça. Bah, je pense que ça lui a donné un... Il traîne tout le temps avec lui, j'avoue. Ouais. Et je me demande si ce fait de traîner avec ces mecs-là... Je sais pas si ça lui a permis de passer un cap en termes de technique. En tout cas... En termes d'exposition, en fait, il s'est fait une mise à jour. Il s'est mis à jour c'est ça. Au niveau du. Il est sorti de son truc vraiment très devil shit. Il est toujours dans les mêmes gimmicks un peu quand même. Hein. Ouais. Après, il rappe beaucoup plus. Moi, je trouve qu'il rappe beaucoup plus qu'avant. Tu vois, ça se sent. Franchement, aujourd'hui, Juicy J, je le trouve très très bon. Enfin, je veux dire, il y a rien à redire sur sa façon de rapper. Je suis surpris. Après, je peux comprendre que si tu ramènes la Swissix à ce que c'était au niveau des premiers albums, ils étaient pas forcément. Ils avaient des techniques de rap. Un peu insolite, on va dire. Ouais. On peut pas dire qu'ils étaient moyens, ils avaient quand même autre chose. Du coup, Yann, je sais pas si t'as vu, toi si tu es comme moi fan de 36 Mafia, il y a un 36 Mafia tour aux États-Unis, c'est le moment de prendre un billet pour aller voir. Pour aller voir Gangsta Boo, Project Pat, Juicy J et DJ Paul en tournée. Franchement, j'ai trop envie. Comment ? Est-ce qu'il y a DJ Black ? Je ne sais pas, il l'a pas annoncé en tout cas. Mais normalement, c'est leur DJ officiel. Ouais. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Jérôme. En fait, il y a le Shop and Screw et il y a le stade encore plus dégradé qui s'appelle le Dragon Shop et c'est DJ Black, donc de 36 Mafia, qui l'a inventé. Ok. Et c'est-à-dire que moi, par exemple, pour l'anecdote, j'ai découvert le morceau de T-Pain, I'm in love with a stripper, ouais. 2 mois avant que je l'écoute sur un vrai album. En screw. En super screw, et ouais. Je croyais que c'était un morceau de blues. Et ma femme a acheté l'album 2 mois après, et j'ai dit, mais je connais ce morceau. Et c'était en fait ça. Énorme. C'était pas la même vitesse, mais je connais. Non, c'était pas la même vitesse. Bah, je propose qu'on écoute le morceau, et puis on va laisser les autres répondre à ce dilemme. Ok. Yeah! I'm the main. Ice on the wrist with the ice in the chain. Ride through the hood, yeah, I'm gripping the grain. And I'm sipping the same while I'm changing the lane. Eyes real tight cause I'm choking the green. Bitch, it messed up cause I'm drugging the lane. Messing with a D-boy, riding them big toys. Make your man gal wanna get on my team. She gotta give it up when she get in my car. I ain't Denzel, but I know I'm a star. Cause when I'm in the club, I be back in the bar. In the VIP bar, and be buying the bar. Yeah. Et on est toujours dans les bons crus, toujours avec notre petite Brooklyn, R.E.P. Post Smoke. RIP. Donc Keba, à ton tour, qu'est-ce que t'en penses toi? plutôt rappeur mauvais, sur, enfin non, moyen on va dire, rappeur. Je rejoins Yann sur le fait que franchement sur le morceau de Trisix, effectivement, moyen, mais la prod est juste scandaleuse et entre guillemets l'album est juste hallucinant. Ouais. C'est un album de fou, les prods sont barjots, il n'y a que des gros singles avec des refrains de fou. C'est ça. Donc moi c'est l'album qui m'avait vraiment vraiment marqué, que je prends toujours plaisir à l'écouter. Donc moi j'ai plutôt choisi rappeur, à mon goût, à mes yeux, mon choix personnel, très très bon rappeur, sur une prod moyenne, voire une prod, j'ai presque envie de dire soporifique, tu vois. Et c'est un petit peu, tu vois, comme si un mec était sur une espèce de petite barque et doit traverser l'Atlantique, tu vois, c'est un peu le même truc. Ça va être long, du coup. Ouais, voilà, ça va être long, tu sens que ça va être long et tu te dis, on va passer un mauvais quart d'heure, quoi. Ouais. Et quand le mec arrive à s'extirper de ça et à faire quelque chose de plutôt bon, bah je dis chapeau, quoi. Je veux dire que, en fait, grâce à lui, la prod devient bien. Ouais, la prod devient bien, et même si la prod était moyenne, tu te dis, putain, en fait, effectivement, bon, bah la prod est moyenne, mais le mec a réussi à retourner le truc et en faire un truc intéressant, quoi, au bout du compte. Ouais. Il change le morceau presque. Il t'aide à apprécier le morceau. Et quoi. Du coup, tu pensais à qui alors pour illustrer ses propos? Alors, moi, j'ai pensé à E-40. Bon, déjà, je suis fan de E-40. Gros, gros fanat pour moi. Bay Area. Bay Area, le mec a une carrière de folie. Depuis très longtemps. Ouais, depuis très longtemps. Discographie juste hallucinante. Tu vois, quand on parle de longévité, on parle souvent de Jay-Z, on parle souvent d'autres mecs. Ouais, mais en vrai, lui, la longévité, il l'a depuis longtemps. Et ouais, le mec, il a fait les années 80, fin des années 80, 90, 2000, 2010. Et là, il attaque 2020. Quoi. Et toujours avec les mêmes lunettes. Toujours avec les mêmes lunettes, les mêmes gimmicks. Ouais, les mêmes gimmicks. On aurait pu parler de T-shirt, tu sais qu'on a zappé, parler de T-shirt aussi. Mais T-shirt n'est pas aussi bon que E-40. Ouais, il est pas aussi technique. Mais il est bon quand même. Hein. Il avait un bon univers et tout, mais ouais. E-40. T-shirt sur l'album de UGK, là, je sais plus qu'est-ce que c'est son couplet, mais il est incroyable. Ouais. Je crois que c'est sur The Riding Dirty, il est oufissime. Et d'ailleurs, tu parlais de mecs qui rappent de la même manière. C'est vrai que Too Short, je crois que ça doit faire 30 ans qu'il rappe de la même manière. Exactement. Il n'a pas changé un truc. Il n'a pas changé un truc, pas la vitesse, rien du tout. Quoi. C'est du Coca-Cola, quoi. Ouais, c'est ça. Les albums de Too Short, c'était un peu comme les albums de Big Daddy Kane. Si t'aimais pas le flow du gars, c'est mort. Ça allait te saouler très rapidement. Ah, bah c'est mort. C'est mort, tu vois. Donc ouais, moi j'ai choisi E-40, ouais. Et alors, un morceau en particulier, c'était Wicked. Wicked, parce que. Tu sais, c'est une instru de qui ou. Alors, bonne question. Là, j'avoue, je sais pas du tout qui a fait l'instru. D'un mec qui a plus jamais fait d'instru. Voilà, c'était la dernière et première instru qui calait. Il a égorgé. Et c'est vrai que l'instru, effectivement, à la première écoute, sonne bateau de chez bateau. Et ce que je disais à Yann tout à l'heure, c'est le genre de prod, t'envoies ça à un rappeur. Le mec, soit il te répond pas. Soit il va te dire qu'il y a un truc qui lui convient pas pour essayer de vite se sortir de ce truc là, tu vois. Ouais. Pas E-40. Ouais, voilà. Ouais. C'est un peu ça. Et au bout du compte, écoute, la prod est très basique. Et lui, il en a fait un truc violent. La prod, le refrain des boîtes. Et lui, il rappe quand même malade dessus. Donc c'est pour ça que j'ai choisi E-40. Ouais, faudra qu'on fasse aussi une fois les rappeurs qui ont le luxe pour choisir les mauvaises prods. Ah, oui. Il y en a tellement. Les gens qui n'ont pas de goût. Ouais, il y en a beaucoup. Allez, on envoie ça. This shit so wicked. Look at my life, I get paid just to kick it. This shit so wicked. I hit the club through the back, got that sticking. This shit so wicked. I might go viral the way that they flicking. This shit so wicked. If I go vegan, I'm still gonna get chicken. Well, damn, another motherfucking slappy. Make your mammy wanna slap your pappy. Make your motorcycle pop a wheelie. Figure eight, make your 50 do a 360. Hit the brake, then you punch on the gas. Fuck it up, bang on they bitch ass. Give it up, act a motherfucking fool. Ape shit, pack a motherfucking tool. It's still a clip, introduce you to the Reaper. I got hunters that'll sneak you and they'll sleep ya. Known gunners that'll hit you out the park. Not no bunners there, finish what they start. This shit so wicked. Look at my life, I get paid just to kick it. Wicked. This shit so wicked. I hit the club through the back, got that stickin'. Wicked. This shit so wicked. I might go viral the way that they flickin'. Wicked. This shit so wicked. If I go vegan, I'm still gon' get chicken. Wicked. I've been taking a nip and drinking the same fifth for days. Smoking Big Turtle with my colleagues, my co-workers and co-defendants. For many years we've been in business. Nigga used to be hella solid, now he fragile. Acting just like a pussy, a vaginal. That's the way they be switching up, I don't condone it. If you a bitch, you a bitch, own it. I'm a Cali boy, ho, I thought that you should thought. Live on the edge on the San Andreas fault. Being a sucker ain't the way that I was taught. You would've thought it was a food fight the way they throw it south. If I keep moving this fast, I'll probably get a ticket. I give you a jug of bargain like the Garmin district. You want some funk, I bring the smoke like a brisket. Play with my bread and I'ma hit you with the biscuit. Bitch! This shit so wicked. Look at my life, I get paid just to kick it. Wicked. Wicked. This shit so wicked. I hit the club through the back, got that stickin'. Wicked. Wicked. This shit so wicked. I might go viral the way that they flickin'. Wicked. Wicked. This shit so wicked. If I go vegan, I'm still gon' get chicken. Wicked. Wicked. Wicked. Wicked. Wicked. Wicked. Wicked. Wicked. Wicked. Et je vous ai envoyé un petit Nujabes pour vous nettoyer les oreilles après cet instru dégueulasse. Donc, Julien, toi, qu'est-ce que t'en penses de ton côté ? Alors, moi, le truc, c'est que, en fait, moi, j'aime les rappeurs récréatifs. Du coup, les rappeurs super forts sur des instrus nuls, j'y écoute jamais. Ouais. Parce que j'aime les rappeurs en fait que j'écoute, ils choisissent déjà des bonnes prods. Ouais, parce qu'en fait, les rappeurs que j'écoute, c'est pour me. Moi, j'aime le rap qui me fout au moins un peu la pêche et tout ça. Tu vois, genre Jay-Z, j'écoute sur Blueprint 1, je n'écoute pas. C'est impossible pour moi. Toutes les instrus pour moi sont les mêmes, c'est de la merde. Enfin, ça me fatigue, tu vois. Donc, du coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon. Non, en fait, ouais, c'est que c'est monotone. T'es un peu dur quand même. Ouais, mais moi, après, je pense qu'on n'est pas d'accord avec toi. Mais... Les auditeurs me connaissent, ouais. et du coup, je vous dis tout de suite, voilà, The Blueprint 1, quand je l'écoute, je me fais chier. Voilà. Je sens que le standard va sonner. Ouais. Hein, ouais. Rien, tu vois, mais... Déjà, comme il dit The Blueprint 1, on sait qu'il aime pas déjà. Ouais. Normalement, tu dis Blueprint. Ouais, Blueprint. Ouais. J'en sais rien. Le Blueprint, l'imprimé bleu 1, voilà, c'est pas pour moi. Désolé, les gars. T'as même pas aimé la pochette. Même pas, rien, que dalle. Même pas le rappeur. et du coup, bah, des mecs qui disent def au phototune et que t'écoutes Young Thug, désolé mon bron, mais ce n'est pas pour moi. Voilà, désolé. Ah là, il s'est foiré avec def au phototune. Oui, il s'est tout le temps foiré. Mauvais timing. Il veut faire le daron en vrai, il est flingué. Il avait tenté un truc. Bah ouais, il avait tenté un truc qui n'a pas gagné. Désolé pour lui. Moi, je connais un ingénieur du son à Bordeaux qui dit que Fabulous est meilleur que Jay-Z. Fabulous est très bon. Mais il a un gros style, Fabulous, franchement. Oui, non, mais. Non, après, pour le comparer à Jay-Z, faut là, je faisais la blague. C'est un très très bon rappeur. On va pas non plus. Alors, du coup. Polémique. Et donc, du coup, moi, je suis plus du coup pour des rappeurs nuls qui posent sur des prods incroyables. Voilà, c'est ça. Et parce qu'en fait, la prod pour moi, c'est quand même vraiment vraiment important. C'est ce que je vais écouter pendant 3 minutes. Et si tu veux écouter, alors je peux écouter Danny Dan qui fait de très très belles poésies et des très très très belles rimes. Mais si tu veux, j'en écouterai pas 10 fois de suite, quoi. C'est ça le problème. C'est un peu ce que disait Yann. Ouais, je m'en lasserai. Alors que des prods qui éclatent tout, franchement, tu vois, sur du rap américain, j'écoute les paroles beaucoup pour essayer vraiment de tout comprendre. Mais quand vraiment ça défonce, même s'il dit de la merde et qu'il a un flow un peu flingué, en vrai, la prod, elle m'enjaille tellement que tu vois, je passe outre, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, je te rejoins. Mmh. Tu vois, je pense à un truc même qui est un peu plus ancien, à Bone Crusher. Tu te souviens de la Never Scare. Le mec qui rappe comme un catcher. Mais au bout du compte, il te met tellement dans l'ambiance. C'est ça. Tu dis, ouais, c'est cool. Mais ça, c'est des one-shots, tu vois. Ouais, moi, c'est clair. J'ai un autre truc, une autre référence qu'on a ensemble avec Keba. C'est Magou qui rappelait avec Timbaland. Tout le monde disait qu'il était mauvais. J'ai toujours trouvé fantastique comme rappeur. Ouais. Et pareil. Là, c'est pareil, les albums de Timbaland, tu peux les réécouter. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Enfin bon, c'est un point de vue, mais bon. Tout le monde disait qu'il était mauvais, c'était quoi Never Scared, son truc là. Ouais. Après, c'était crunk, quoi. À l'époque, crunk, il y avait des débiles qui gueulaient pendant tous les morceaux. Bah, Lil Jon, c'est un piètre rappeur, mais je le trouve incroyable. Ouais, fantastique. Et tous ses morceaux, ambianceur, ils sont trop bien. De fou. Et même quand c'est du rap, c'est très bien aussi. C'est peut-être un piètre rappeur, mais d'un point de vue. Enfin, c'est un piètre rappeur. Enfin, comment dire. J'aime bien, moi. Au niveau de l'interprétation, au niveau de l'interprétation, de l'ambiance, de l'intensité, mais là-dessus, il est au-dessus. Ah, il est au-dessus. Du coup, c'est pas forcément un rappeur moyen. C'est pour moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si la prod n'est pas au niveau, ça peut vite devenir un rappeur chiant. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut vite devenir chiant. Ouais. Alors qu'une prod qui t'enjaille un peu plus, ça, c'est moins. Mais je te rejoins sur Lil Jon, parce qu'au bout du compte, quand t'écoutes Lil Jon, il n'y a pas de couplet. Ouais. Il répète 10 fois le même truc. Ouais. C'est le crunk, le crunk, c'est le principe. Ça. Ouais. Et c'est par contre, il t'emmène dans l'ambiance. Il arrive à te faire un album avec 17 morceaux. Pour moi, c'est le Johnny Hallyday de Marcy South. Ouais, mais la prod à chaque fois est très importante. Ouais, la prod, les prods sont violentes. Tu vois, ils ont ramené un truc. Bah, justement, lui, il a ramené un truc avec l'album qu'il avait produit de Lil Scrappy et de comment. C'était quoi le truc? Il y avait un truc sur les. Il y avait Lil Scrappy. Ils avaient fait un double album là avec Lil Scrappy. Eastside Boys. Eastside Boys. Non, pas Eastside Boys. Eastside Boys, c'était ces deux. Lil Jon et les Eastside Boys. Ouais. Et non, et c'était un autre groupe. Oh là là, quelle honte. Produit par Lil Jon. Produit par Lil Jon. Ouais, c'était un album qui était sorti, c'était en même temps que Lil Scrappy. Ah, c'était pas. Ils étaient super violents. Bah, c'était une violence ultime. Peu importe, on retrouvera pendant qu'on va passer le morceau. Donc, du coup, choisi qui alors ? J'ai choisi Birdman, qui est vraiment un piètre rappeur, mais qui, sur le morceau que j'ai choisi, se fait bouffer par. Clips. Le Clips, exactement. Enfin, et je sais pas, une rof, c'est deux personnes. et du coup, voilà. Tu fais Lil Wayne, 21 Savage. Ah ouais, c'est qui ces 21 Sauvages ? J'avoue, il est incroyable. Mais on va lui pardonner parce qu'il est meilleur que Rof quand même. Et du coup, là, le morceau que j'ai choisi, c'est avec toi, c'est tout le temps ce truc là. What happened to that boy? Voilà. Et l'instru, en quoi elle est incroyable? Neptunes. Ouais, bah oui. À la grande époque. Ouais, allez. Le high level. On envoie ça. Yeah. I'm heavy in the street like the 7-series Beamer, man. Hit him with the Nina, man. Or that 4-5 guaranteed to lean ya, man. Whoa, I'm the reason that your block is vacant. Malicious will hit ya just to make a statement, bitch. Clips and cash money, who ain't rich? Don't compare me to you, nigga, you ain't this. Whoa, what happened to that boy? What happened to that boy? What happened to that boy? He was talking shit, we put a clap into that boy. What happened to that boy? What happened to that boy? What happened to that boy? He was talking shit, we put a clap into that boy. Stunner and patty cake, the worldwide push. Birdman, nigga, leave the guns in the bushes. Bitch, shitting up bricks. Let him unload on the gusset. Balls are together with the round shape. Cooking shit, one throw, one nigga, flood the block. If I don't go to jail, niggas, birds gon' flock. Niggas sitting on the trailer, bitch, get off the pot. The bird just landed, so the hood gon' rock. Big chips, the Prada Gucci shit. But mommy, you fly beans, the wide skinny lips. She takes my flight, she holds my weight. While the pork was staked out from state to state. It ain't nothing to a baller, baby. Pay the cost, big money, heavyweight, Birdman, hood boss, baby. Stepping on my line, I sure love something. May call it young, come out in the black crawl, touch. What happened to that boy? What happened to that boy? What happened to that boy? He was talking shit, we put a clap into that boy. What happened to that boy? What happened to that boy? What happened to that boy? He was talking shit, we put a clap into that boy. Ugh, another soul lost, had to make his shirt match my ox blood colored Porsche. Ugh, the rims match of course, blood hit his Timbs, it reminded me of them. Glistening, wrist on chiller, gun in the same palm, a gorgeous killer. I put this on my lord, my niece was 4 when she felt chinchilla. I passed the shore for that shit that made fiends rise from the dead like Thriller. Gangster, hustler, at night still found time to kiss my mother. Live like I'm dreaming, kick my feet up. Gun poke my waist, remind me of my demons. So quit your yapping before I get to clapping and have your body parts mix and matching, fella. What happened to that boy? What happened to that boy? What happened to that boy? He was talking shit, we put a clapping to that boy. What happened to that boy? What happened to that boy? What happened to that boy? He was talking shit, we put a clapping to that boy. Hey, there it is, nigga, there you have it. Birdman, Clips, Young Smith, VA, you know? Uptown, nigga, we go anywhere with this bullshit. We flip bricks, you understand? Hey, nigga, put this puzzle together. Hey, for real, you did this shit, nigga. 1,000 pieces, puzzles, 100, you know, let's get this money. Hey, nigga, I smell something. Cover leaf plants, bitch, you know? Getting money, motherfucker. However you want it, you can get it, pimp. From gangster to blood, nigga, take it how you want it. Nigga, we get it how we live. Ain't nothing but the thug thing, nigga. Money thing, motherfucker. Et ouais, petit Drake. Passion fruit. Passion fruitée. Passion fruitée. J'adore. On dis aime comme, beaucoup dis comme ici. Ça fait nom de morceau de zouk, tu sais. Donc, c'est à mon tour de répondre au débat. Bon, ouais. Moi, voilà, je vais pas faire de teasing. Je rejoins Yann et Julien totalement. Ce qui compte le plus pour moi, c'est aussi la musique. C'est l'instru. Et surtout... je me suis un peu posé parce que forcément il y a plein de rappeurs très bons que j'aime et qui choisissaient des mauvais instrus comme tu disais. Mmh. On a cité Danny Dan, en rap français il y en a tellement. Ouais, qui se sont plantés. Mais en fait voilà, aujourd'hui quand je les réécoute, je grince des dents des fois quand j'entends l'instru ou vraiment le mix. Ou, enfin peu importe ce que c'est, le fait que le son soit pas à la hauteur de, on va dire, l'art de rapper du mec. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais de plus ça en plus. Mais ça ouais, vieillit pas bien du tout. Alors, il faut préciser que de plus en plus maintenant, comme disait Yann, avec les studios, les machins et tout, ça n'existe plus ça. Ouais. Mais voilà. Même une instru pas terrible, ils vont tellement la booster, ouais, ça va tellement ça être va travaillé péter, que maintenant tout et sonne. Et du coup, malheureusement, maintenant, les mauvais rappeurs, entre guillemets, les moyens ou les gens, les rappeurs average, ouais. Et bien, ils ont. Plus de facilité. Ils arrivent à cartonner en fait. Mmh. Et même des producteurs se mettent à rapper. Bah oui. Et franchement, c'est parfois ils sont aussi bons que certains rappeurs moyens. Ouais. Alors ils se disent autant rapper. Ouais. J'ai vu un truc quand même, Metro Boomin, il a dit là, il y a pas longtemps, il a dit que tous les nouveaux rappeurs c'était de la merde et tout. Il dit, je crois que je deviens vieux. T'as pas vu? Il a dit, ils ont plus aucune inventivité, tout, alors qu'ils font la même chose que ce qu'il fait lui. Je comprends pas. Ouais, bah Metro Boomin. C'est la frustration depuis. Non, il vieillit, je pense. Hein. Il est triste. Après. Peut-être qu'il est saoulé aussi de tout le temps faire la même chose. Après, alors... t'as aussi des mecs où tu sais pas trop dans quoi les classer. Tu vois, par exemple, moi je pense à Ty Dolla $ign. Ouais. Tu sais pas trop ce qu'il fait en fait. C'est pas un rappeur pour moi. C'est pas vraiment un rappeur. Ah, quand même. Il chantonne un petit peu. Non, voilà, c'est comme Jeremiah. Pour moi, c'est un Jeremiah, ouais. Tu vois. C'est... Mais il est plus proche du rap, je trouve un peu, tu vois. Ouais. Il est plus proche du rap, mais ouais, on sait pas trop ce qu'il fait. C'est une forme hybride de R&B. C'est comme Party Next Door. Party Next Door, c'est pas un rappeur. Ouais, désolé. Voilà, c'est ça. Il jongle sur plusieurs trucs, ouais. Les mecs. Ouais, après, c'est pareil, c'est tous. Ils sont devenus versatiles. On peut mettre The Weeknd, Drake, tout le Drake monde aussi, dedans, oui, parce sûr, que c'est ça. Drake, mais Drake, en fait, par contre, il rappe vraiment. Ah, il à côté d'un Party Next Door, je l'ai jamais entendu rapper, tu vois. Ouais. Pareil, Tyler. D'ailleurs, Drake quand il rappe, enfin, surtout au début, ça faisait énormément penser à Lil Wayne. Ouais, mais normal. Parce que sur les premières mixtapes où on l'a découvert, moi, je pensais même que c'était Lil Wayne. Dès qu'il se mettait à chanter, je pensais que c'était Lil Wayne et que c'était Lil Wayne qui chantait. Il avait même un peu le timbre de voix et tout ça. Je pense tout à fait. C'était son modèle. C'était son modèle. Donc moi, j'ai pensé du coup à ces producteurs qui font aussi bien que les rappeurs moyens. Mais comme c'est des producteurs, ils ont des bêtes d'instru. Quelqu'un comme Pierre Bourne, il s'est mis à rapper et finalement, il fait aussi bien que... c'est qui le mec de Dailit là déjà le mec qui l'avait produit. Putain, j'oublie totalement... Ça y est. Petit trou. Ah, j'ai perdu mon stylo. Bon, c'est pas grave. Non, de toute façon, je vais vous le dire direct. J'aime pas avoir les trucs. Il fait une recherche, j'essaye de... Oh, ça triche en live. J'essaye de meubler pendant qu'il est en train de Playboi Carti, voilà. Je perdais le nom. Playboi Carti, c'est un rappeur totalement moyen. Non, mais il a disparu. C'est pas faux. En vrai, il a disparu, lui. Je pensais même plus à lui. Ouais, il a eu sa fame et tout. Et finalement, en fait, Pierre Bourne faisait partie du succès d'un mec comme Playboi Carti. Et il s'est rendu compte qu'il avait pas besoin d'un Playboi Carti pour faire la même musique. Mmh. Et il peut rapper dessus et faire les mêmes adlibs. Ouais, mais il s'est pas tapé Igazela. Il s'est pas tapé Igazela, donc il a perdu. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je vais vous passer un morceau de Pierre Bourne où il rappe, où il s'est émancipé des rappeurs. Et en fait, je préfère écouter ça qu'un très bon rappeur sur une instru vraiment claquée. Il y a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre peut-être sur le fait qu'il produise, il chante sur sa musique. Ouais. Et je trouve que très souvent, quand il y a cet équilibre-là, ça passe plutôt bien. Ouais. Truc tout con, hein, dans un autre registre, hein, tu prends du Pitrock, c'est pas le meilleur rappeur du monde, mais... Non, mais c'est, il a quand même quelque chose. Tu réécoutes, ouais. Il y a plein de trucs, tu réécoutes des trucs. Mais au début, je voulais passer l'album J-Lib. Ouais, même Madlib, bah oui, Quasimoto, il est pas terrible. Madlib qui rappe, c'est pas le meilleur rappeur du monde. Et pourtant, ça tue, quoi. Pareil pour JD, tu vois. JD, c'est un producteur de fou, mais... En fait, ça a toujours existé, plus ou moins. Ouais, voilà. Et c'est que les mecs savent jongler entre les deux. Et c'est vrai que quand ils font les deux... Bah, au bout du compte, t'as envie d'écouter parce que tu trouves que ça passe super bien. C'est en fait. Ça. Ils ont l'oreille. Bah, déjà à l'époque, Timbaland. Timbaland, voilà, pareil pour Timbaland aussi. Tu il vois, a fait quelques refrains. Il y a un bon équilibre. Il a fait des albums, un bon équilibre. Voilà. Mais non, mais je parle où il rappe vraiment. Un bon producteur. Ouais, mais où il rappe vraiment. Oui, mais bon c'est pas fameux, quoi, ce que je veux dire. Il a fait quelques bons refrains. Ouais. Il doit savoir placer sa voix. Donc c'est pour ça que je pense que quand t'es un bon producteur, tu rappes un petit peu sur tes prods pour déjà voir un peu l'ambiance, les BPM, les machins et tout. Donc t'es obligé de rapper un petit peu ce que fait Timbaland, ce que fait JD, ce qu'a fait... Il y a aussi des producteurs qui font les leads et tout ça, qui font les... Les adlibs et tout ça. Les top lines. Les top lines, c'est chercher le mot. Donc qui savent où le placer et tout ça, donc forcément à un moment donné ils peuvent le faire eux-mêmes, quoi. Après, ils seront jamais aussi bons que des purs rappeurs qui débitent... Et qui, en plus, quand ces rappeurs-là ont du goût et qu'ils choisissent bien les instrus, là, ils sont imprenables. Ouais. Il y en a un qui est très bon, moi, je trouve, dans ce registre-là, c'est Black Milk. Tu vois, Black Milk, je trouve très bon. Producteur-rappeur. Producteur-rappeur, il est 50-50, il est bon sur les deux, tu vois. Ouais. Et en français, il y a... Je me rappelle plus son nom, mais il a sorti un album où justement. Midsizer. Midsizer, ouais, carrément. Le morceau de Doc Gynéco, il a ramené Doc Gynéco. Je suis d'accord avec toi, Midsizer. Moi, j'avais. Alors, de moins en moins bon, je trouve, au micro. On va voir ce que ça donne. Il rappe avec Al Capote ou avec Doc Gynéco. Il arrive à tenir la baraque, tu vois, sur un track où il est en feat avec quelqu'un. Moi, je trouve qu'il est dedans, tu vois, il arrive à t'ambiancer et tout. Après, effectivement, un peu hybride, comme tu disais, ça rappe pas vraiment, ça chantonne, mais il sait faire le truc. Il sait faire le truc et puis il fallait oser le faire. Ouais. Donc ça passe. Pas mal, moi j'ai bien aimé. Allez, donc là, on écoute Pierre Bourne. Pouf. I just quit, blew a quick, whoa. I just threw this temper tantrum, my new fit, whoa. No snitch, I get money, must admit, whoa. Yo, bitch, work with me, settlement, whoa. Kill the pussy, get away, acquit, whoa. Disappear, reappear, it's magic, whoa. Smoke it dope, and roll the traffic, whoa. Spilling pan on my design, it's tragic, whoa. Woman's world, you can be my Topanga. I don't wanna fall in love with a stranger. Woman's world, we got history like Feeny. Play it deeply, yeah, completely. Like a survey, baby, you complete me. Screaming Jordan, ballin' like a 3-peat. I'm a poor and she act like she need me. Girl, you gorgeous, you can be on TV. No shit, I just quit, blew quick, whoa. I just threw this temper tantrum, my new fit, whoa. No snitch, I get money, must admit, whoa. Yo, bitch, work with me, settlement, whoa. Kill the pussy, get away, acquit, whoa. Disappear, reappear, it's magic, whoa. Smoke it dope, and roll the traffic, whoa. Spilling pan on my design, it's tragic, whoa. I just wanna do it, I don't wear Adidas. Got shit moving in like I need a visa. Gotta get all this cheese like I order pizza. I don't chase no pussy, hell no, I'm no cheater. I ever believe I'm an overachiever. This is the procedure, don't want no seizures. Won't be rich as a kid, my wrist in the freezer. Thumbing through all these bits, such a stress reliever. No shit, I just quit, blew quick, whoa. I just threw this temper tantrum, my new fit, whoa. No snitch, I get money, must admit, whoa. Yo, bitch, work with me, settlement, whoa. Kill the pussy, get away, acquit, whoa. Disappear, reappear, it's magic, whoa. Smoke it dope, and roll the traffic, whoa. Spilling pan on my design, it's tragic, whoa. Damn, Pierre, where'd you find this? We'll be right back. rated mixtape of all time. C'est pas Scarface, c'est Devin the Dude. Ah, hey, ouais, on était pas loin. Vous étiez pas loin. On était pas loin. C'était petite virgule que j'apprécie. Ouais, effectivement. C'est do what the fuck you wanna do. D'accord. Ouais. Très bon. En tout cas, la prod est très bonne. Ah ouais. Mais voilà, on est sur toujours des bonnes prods et Pierre Brand, donc ce qui paraît, vous avez apprécié. Très très bon. Mais écoute, je vais me pencher un petit peu sur le. Mais pour le coup, l'instru était mille fois meilleur que le rappeur là pour le. Ouais. Il y avait un gros gap. Bon, il nous reste un peu de temps et j'ai un deuxième dilemme. Là, c'est un peu plus simple, ou pas. Si vous deviez faire écouter un morceau de rap à votre grand-mère ou de grand-père, ce serait lequel? Et pourquoi, bien sûr, faut argumenter. Je propose à Keba de choisir, de répondre, parce qu'avec Julien et Yann, on a choisi le même artiste. Hasard, on ne s'est pas concerté. Calendrier. Donc tu vas commencer, Keba, nous parler de ton choix. Écoute, moi j'ai choisi Camplo, le track Coolie High. Camplo, ouais. Très bon track, et surtout hyper smooth, hyper relax. Et je me dis, si je devais faire écouter un morceau à ma grand-mère, ça serait plutôt ce type de morceau, parce qu'il y a une super mélodie, les mecs rappent super bien, il y a un flow layback. Je pense que même si tu n'es pas fan de rap, il y a un truc qui se passe. T'accroches. Ouais, je pense que tu peux accrocher sur la mélodie. Il y a un truc qui va faire que soit la voix des mecs, soit la prod, fait que tu vas accrocher quand même. Ça nous arrive souvent, tu sais, quand tu fais écouter des trucs à des potes qui n'écoutent pas du tout de rap, il y a des morceaux, ça leur parle de suite. La mélodie, le truc. Et ce morceau-là, je trouve que c'est un morceau qui est un morceau... un peu pointu, il faut vraiment être dedans pour connaître et tout, mais au bout du compte, tu peux le faire écouter un peu à Monsieur Tout le Monde, et je pense que voilà, si t'es un peu sensible à la musique. Même le premier album, moi je dirais. Ouais, parce carrément, même le premier album, ouais. Ça, c'est le premier album, Saturday, Saturday Night. C'est le premier album, mais en fait, il y a une ambiance qui est dans ce morceau, mais qui est dans tout l'album, et qui est vraiment comme ça. Mm. Et par contre, qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver après. Malheureusement, ouais, tu vois, il y a un autre débat à faire. Bon, c'est le seul album que j'écoute d'eux. Ça sera là, mais tu vois, il y a un bon débat à refaire la prochaine. Je pense qu'il y a que Keba qui a écouté le deuxième album. Qui est pas mal d'ailleurs, qui est pas mal. Mais pas aussi bon que le premier, mais qui est pas mal. Mais ça serait la malédiction du très bon premier album. Choisir du rap américain pour des gens qui n'aiment pas le rap, c'est toujours un peu aussi une facilité, voilà, parce qu'ils n'écoutent pas les paroles. Ouais. Mmh. On se focus sur la musique. Là, sur la musique, mélodie, et du coup, tu prends un truc un peu funky, ou un truc un peu jazz, ou un truc un peu, je sais pas, tu vois, qui va puiser dans d'autres musiques. Et du coup, ils ont des repères. Et enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point. Après, il y a un truc, mais je suis content, personne ici n'a choisi. C'est de passer du rap pour les gens qui n'aiment pas le rap. Exactement. Ça, c'est le rap que je déteste. C'est ignoble. C'est ignoble. C'est-à-dire Big Flo et Oli. Ouais, l'homme pâle, etc. On n'apprécie pas. Après, l'homme pâle, il y a des trucs que j'aime bien. Mais... Il y a des trucs bien, l'homme pâle. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi, ce fameux rap de. Mais en fait, moi, c'est le rap des gens qui n'aiment pas le rap. Je peux pas, en fait. Moi, c'est pareil. En fait, si t'aimes le rap. Ça s'appelle le slam, non? En fait, c'est comme si tu fais un plat, mais tu mets pas de sel, tu mets pas de poivre, tu mets pas de sauce. Et pas d'assiette. Et pas d'assiette, tu manges un burger vegan. Quoi. Tu sers sur la table. Quoi. Un burger vegan chez KFC ou je sais pas. Tu vois. Pour moi, voilà. Bon, on va écouter ce morceau et puis après, on va parler de l'artiste qu'on a choisi tous les trois. Relax yourself and let the sugar low flow. Yeah, I got you. Why? You need to come inside and check low. Relax yourself and let the sugar low flow. Yeah, keeps you. Why? You need to come inside and check low. Relax yourself and let the sugar low flow. Yeah, I got you. Why? You need to come inside and check low. Relax yourself and let. at the sugar level. Yo, Jah, it's raining allergy. I'm floating through the Highland Channel swerving. I'm digging on the Sheba, pulling Sheba, she be splurging. We lurking with the cone, cause we be murking from the boogie. And shitting on them crabs, cause they jive faking woolly. Yeah, yo, three shots of life for all night, you dig it. Kept it hot, I can yada to big gripper, get hipper. Spilling coffee inside my order, Mo Eldo. Cracking satin, no never, what's happening, pull a Kivisa. Cash straight out of comic books, catching the flurry. Keep your eye on the low, or Mr. Cash be coming with hammers and traumas, with the Buddhists and Rugas, and Shy Cruises and Rovers. Diamond crooks taking it over with razors and cutters, with the sugar and butters, pimping Caesars and levers. We live for coolie hot treasures and check pleasures. The Queen Bee, Lady Reed, digging grace. Check the place, 3 o'clock, shot, no we ain't. Fretting cat, bring it in the paint, no such thing. Blast the dynamite, sing my super fly to the Cleopatra in the casino with gold sugar. Dig my Harlequin and drench you in my Dino guns. From bever to bever, when the Montero sliding the devil with bottles of Fosty, Spumante to tranquilize my heaven. Count seven, we getting splits and shooting sugar to the shorties. Lucini to spare, let me see your istus in the air. We're like, yeah, you need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Yeah, I got you, why? You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Yeah, keeps you why? You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Yeah, I got you, why? You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Low keeps the party live. The 80 proof is leaking, got me speeching Jersey dry. We screaming cause we villains and our caliber is bringing. I'm laying in the purple rain until I see some action. We moving motionless, continuous, and that's what's happening. Got the bubbly pouring through me in Cleopatra's casino. Sweet back and coolie hijacking, jitterbugs a little session. Dolomites out of sight, anti hottest cats in the city. On the money, taking the tri-state under saucy vine. Billy Holiday and the Foxy Browns with my Harlequins a penny. Heat repellent, reflecting crystals, it's Hollywood. Don't call it stars, cause we licking Cuban cigars and sipping mo. Playing the jigger, counting the figures on the low and low. Blessing the dimes, keeping my campers on the higher flow. Living the crimes, hitting them sly for the Cinos. Yo, Prince of the City, pouring right on the JJ's and Sauté. Cap Calloway and the last of the finest shots. Cyrus Crisis is coming, lower with jiggers, less than zero that. Sex to low, dice to low. I tell you what, one a night vision decision underneath the silver moon. Boys from Company C, A Day, Shigga La. War Chief, beef for Stone and Robin, Chevro, beef for midnight. The safety's off the toaster and my shadows by the moonlight. Cause natives on the levels and the low is on the EQ. My stamina is sugar and it's love, love forever, y'all. Yeah, you need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Yeah, I got you, why? You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Yeah, keeps you, why? You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Yeah, I got you, why? You need to come and shot and check low. Relax yourself and let the sugar love flow. Yeah, keeps you, why? Can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, for the nine job, can't blow up, can't blow up, feel it, John? Can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up, can't blow up. Vermeil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et je crois que c'est un film de Louis Funès. Ouais, je pense même que c'est l'aile ou la cuisse. C'est sa voix. Ouais. Je sais plus, faudrait que je vérifie où est-ce que j'avais pris ce... Ça cuisse, ouais. C'est la loula cuisse. Ouais, c'est extrême. Ça, quand il avait il avait perdu le goût. Ouais, il avait perdu le goût et il voulait filer un coup de main à son fils qui était Coluche dans le film pour du coup deviner le nom du cru. on digresse. On arrive un peu à la fin de l'émission. Donc, Julien, quel artiste on a choisi tous les trois au plus grand hasard? Moi, un artiste qui m'avait beaucoup touché à l'époque, et pourtant c'était pas trop mon style de musique, mais c'est un pote à moi qui me l'a fait découvrir il y a longtemps avec son album, donc je crois que c'est L'amour est mort, c'est ça? L'amour est mort, ouais. Voilà. C'est le deuxième album. Et ouais, exactement. Mais je vais pas faire le puriste parce que j'écoute jamais de rap français, mais il m'avait passé cet album. Il m'avait dit non, mais écoute vraiment comment il écrit et tout. et j'avais kiffé, donc c'est Oxmo. Et c'est vrai que il a une plume qui m'a touché, et du coup je me suis mis un peu à écouter pas mal de trucs de lui. J'ai pas suivi tout, mais cet album L'amour est mort, c'est vraiment, si n'importe quel morceau de cet album je peux le faire écouter à ma grand-mère, il y a aucun problème. Il est trop bien, il écrit trop bien, c'est touchant. Il y a des histoires, il y a une histoire derrière. C'est des interludes très drôles. Ouais, non mais franchement, ouais, il est trop bien cet album. Et puis une joie de vivre. Et Yann, mais tu me disais avec une mélancolie en même temps. Tu disais hors antenne qu'il a une bonne diction aussi, qu'il est accessible. Moi, j'ai choisi un autre morceau du premier album, moi, parce que c'est surtout un morceau qui m'a, enfin que j'adore. C'est le genre de morceau que je pourrais écouter, je crois, toute ma vie. Et mais c'est vrai que j'ai pas pensé à L'amour est mort, et en y repensant j'avais bien trippé, parce que justement je crois qu'il y a une version qui est sortie, c'est à l'époque où Dieudo a commencé à faire des conneries, et il y a une version où il fait les interludes et c'est hyper drôle, c'est vrai, et justement ça tranche parce qu'il y a des morceaux un peu tristes et c'était très bien. Mais moi j'ai choisi Mourir mille fois du premier album, et c'est vrai que c'est comme on disait, c'est qu'il a une diction, parce que si je devais le faire écouter à mes grands-parents, ce qui serait assez compliqué, mais bon, enfin, s'ils étaient encore là, pour leur faire écouter, il faudrait que je leur fasse écouter quelque chose de français, et pour pouvoir partager, il faudrait qu'ils puissent comprendre. Et ce que je disais, c'est que la musique, Oxmo, ça suffirait pas pour toi, il faudrait que les paroles... Oxmo a une diction très claire, et en plus, dans son timbre de voix, il a quelque chose de particulier, des artistes comme Jacques Brel ou d'autres artistes français très marquants, Brassens. Je dis pas que c'est Jacques Brel ou que c'est Brassens, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens ont des personnalités dans leur voix, des grains de voix particuliers. Et Oxmo a ça, avec une diction et une éloquence parfaite. Et ça c'est vraiment un truc que pour faire écouter à une personne qui est un peu vieille... C'est ce qu'il faut, quoi. Je rajoute juste un petit truc d'ailleurs par rapport à Oxmo. En termes de longévité, je trouve que le mec traverse le temps sans problème. Je pense que c'est lié à ce qu'on dit. Tu vois, ouais, voilà. En termes de prod. Ses anciens albums, oui. Ouais. Après, ce qu'il fait aujourd'hui, ça me parle beaucoup moins. Moi, j'étais très très fan. Mais pareil, moi, comme Julien, c'est vraiment l'album L'amour est mort qui m'a marqué. Opéra Puccino, son premier, je le trouve très bon. Moi, c'est pareil, c'est L'amour est mort. Mais L'amour est mort, en fait, il m'a amené plus que du rap. Tu te poses plein de questions. Il y a le morceau À ton enterrement avec Danny Dan. Ouais, qui était violent. Ouais. Formidable. Même puis, les prods, hein, toutes les prods. Il y a ce morceau J'ai mal au mic, où c'est la première fois que j'entendais un rappeur donner autant d'amour au rap, en plus. Il y a aussi, comme il s'appelle, des Sages Po qui avait fait. Zoxy, qui avait fait un morceau sur le rap. Je fais mon job. Rap, musique que j'aime, je crois. Rap, musique que j'aime. Ouais. Mais voilà, mais c'est un peu dans le même esprit. Les couplets sont parfaits. La façon dont il agence les mots. Et puis voilà, et Oxmo Puccino, c'est vrai que ça se rapproche aussi de la tradition de la chanson française. Ouais, ou même de la littérature. De la littérature. Ouais. Jusqu'à dire. Et puis il a un truc particulier, il a un public fidèle, quoi. Ouais. Tu sens que les mecs, tout le monde le suit. Tu vois, j'ai voulu aller le voir d'ailleurs au Krakatoa il y a pas si longtemps que ça. Concert complet de chez Complet, donc déjà compliqué. Ouais. Mais quand je trouve qu'il arrive à traverser le temps, c'est que en termes de prod et en termes d'album, il est à jour. Il est à jour. Ouais, il est dedans. Son travail reste cohérent. Moi, c'est pareil. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est aussi L'amour est mort, mon album de référence. Mais dans le premier album, Mourir mille fois, c'est vraiment pour moi un truc de ouf. L'amour est mort, c'est vraiment la référence. Et après, tout ce qu'il a fait après m'intéresse moins. Mais il a fait des trucs avec des jazzman et des trucs comme ça, et ça reste cohérent. L'hypopète bar, c'était bien. Et c'est vrai que il a réussi à garder un truc. On va arriver à la fin de l'émission là. On déborde un peu, mais bon, c'est pas très grave. Moi, j'avais choisi un morceau de la compil Sadil, Mama Lova. Je trouvais que c'était aussi des paroles toutes simples et très belles. Mais j'hésitais avec J'ai mal au mic, donc je pense qu'on va passer celui-là. Je crois que c'était le choix de Julien. Voilà, on va vous laisser là-dessus. Donc merci Kéba, merci Yann. Grand merci, en tout cas merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir débattre. Ça fait plaisir. C'est partie remise pour une prochaine. Écoute, quand tu veux, on est là. Et puis avec Julien, on vous dit à la semaine prochaine. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. J'ai